Ce viaduc, inauguré le 15 août 1864, est l'une des plus grandes œuvres de génie civil du tracé ferroviaire Madrid-Paris. Conçu par l'ingénieur Alexander Lavallée 1821-1892, sa structure en fer laminé de 18 000 tonnes avec des unions rivetées était supportée à l'origine par 4 piliers en maçonnerie revêtus de pierres de taille. Elle mesure 289 mètres de long et franchit une hauteur maximale de 34 mètres. Un pont large, commode et très sûr grâce au calcul optimal des forces et à l'utilisation du fer, un matériau qui s'avéra révolutionnaire dans son application en architecture. L'arrivée du chemin de fer fut une révolution pour le transport et la technique, mais aussi pour l'économie, la société et même pour les idéologies. L'inauguration du viaduc en 1864 permit de relier Madrid et Paris par le train et bouleversa le cours de notre histoire. Les gares ont été son principal ennemi en raison de son énorme valeur stratégique. Pendant la Seconde Guerre carliste, 1872-1876, ils ne lui causèrent que quelques dommages. Les temps de paix favorisaient l'arrivée d'améliorations. La double voie fut installée en 1912 et en 1928, elle fut électrifiée. Pendant la guerre civile espagnole, en 1936, les ouvriers des hauts fourneaux de Bergara coupèrent le pont avec des chalumeaux pour empêcher la progression des troupes franquistes. Quand celles-ci envahirent Guipuzcoa, 3 de ses ouvriers furent fusillés en guise de représailles, contre les murs du cimetière d'Ormestoji. En 1941, son esthétique subira un changement profond car l'augmentation de la circulation exigeait de le renforcer en incorporant entre les piliers originaux 5 autres constitués d'une structure creuse en béton armé. Mais les exigences ne cessèrent d'augmenter en raison des caractéristiques des nouvelles unités ferroviaires qui devaient y circuler, de sorte qu'en 1995, il fut désaffecté et le trafic ferroviaire dévié par un nouveau viaduc à une distance d'à peine 18 mètres de l'ancien.